Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est une émission spéciale que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand en direct et en public depuis la citadelle de Lille. Bonjour au public et bonjour à vous Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous et le public de Lille va vous saluer Anissa et salue tous nos auditeurs. Bonjour à tous. C'est notre Pentagone à nous, la reine des citadelles, chef-d'œuvre fondateur du Grand Vauban. Il y aura 350 ans, le 17 juin, le bâtisseur de forteresses, le bras armé de Louis XIV, dont nous avons si souvent eu l'occasion de parler à ce micro, Vauban posait la première pierre de ce qui allait devenir la citadelle imprenable, l'archétype de la citadelle imprenable. Une seule fois dans son histoire, en 1708, la citadelle de Lille a dû se rendre, mais même dans cette circonstance, elle n'a pas été prise. Nous sommes aujourd'hui le 2 mai, Anissa, vous l'aurez noté, j'en suis certain, bien vous notez sûr. Tout ça, vous bien entendu. C'est évidemment le 350e anniversaire du traité d'Aix-la-Chapelle qui devait rattacher la ville à la France. Nous verrons dans un instant dans quelles conditions et quelles ont été les circonstances de cet événement, qui a été un événement assez dramatique, il faut bien le dire. Aujourd'hui, la citadelle de Lille, après avoir longtemps hébergé le 43e Herri, est le siège du corps de réaction rapide, état-major multinational sous le commandement du général de corps d'armée Thierry Corbet. Le général Corbet nous fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui. Bonjour mon général. Bonjour monsieur, je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie, c'est nous. D'avoir choisi ce lieu si symbolique de la citadelle pour votre émission au cœur de l'histoire. Comme vous l'avez dit, le corps de réaction rapide a pris la place du 43e Herri, le 43, cher aux Lillois. Et nous sommes ravis de vous accueillir ainsi que toute votre équipe. Alors le corps de réaction rapide, alors qu'est-ce, voilà, que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Hein, bonne question. En quelques mots, bien sûr. C'est un état-major multinational. Opérationnel et déployable. C'est même le plus haut état-major français capable de commander une coalition sous la bannière de l'OTAN, sous la bannière de l'Union européenne, sous la bannière des Nations unies, voire sous la bannière de toute coalition de la circonstance. Nous avons la chance de travailler au quotidien dans cette citadelle. Hier, cette citadelle repoussait l'assaillant. Aujourd'hui, le corps de réaction rapide rassemble. Il rassemble 14 nations autour de la France. Hier, cette citadelle, elle défendait le précaré français, peut-être. Le vous fameux en précaré de Vauban. Et ben aujourd'hui, le corps de réaction rapide, il participe à la défense de l'Europe et il participe à toutes les opérations françaises de par le monde. Voilà en quelques mots le corps de réaction rapide France tel qu'il est aujourd'hui après 13 ans d'existence dans la citadelle. Alors vous mon général, vous écrivez l'histoire, moi je me contente de la raconter. Dans un instant nous allons nous plonger au cœur du XVIIe siècle pour aller voir ce qui s'est passé en 1668 à l'origine même de cette citadelle. Nous allons nous immerger au cœur du grand siècle. Cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Printemps 1668, il y a donc 350 ans, à Lille, les travaux de Monsieur de Vauban commencent. Les travailleurs par centaines sont affectés au grand chantier. Ça implique une organisation titanesque, notamment en termes de transport. On utilise les routes, mais aussi et surtout les canaux à cette époque-là. De nombreuses ressources de la région sont mobilisées. Il faut 60 millions de briques, vous m'entendez bien, 60 millions de briques, presque 80 000 masses de grès. Le rythme de la construction est impressionnant. Imaginez une gigantesque fourmilière. C'est Vera Dupuis, notre historienne Vera Dupuis, qui est venue souvent dans cette émission, qui le raconte. En avril 1670, dit-elle, les ponts sont jetés sur les fossés et les casernes sont prêtes pour accueillir en décembre de la même année le premier régiment, le Picardie. Vauban est gouverneur de la citadelle et en 69, il écrit à Louvois « Ce sera ici la reine des citadelles. Je viens de donner à la ville et au roi la place la plus belle et la plus achevée du royaume. » quand vous connaissez un peu vos bancs et que vous savez à quel niveau se placent ces exigences, voilà une formule qui n'est sûrement pas vaine. Cette citadelle est destinée à marquer l'histoire lilloise pour longtemps et l'histoire de France. Elle doit être un verrou dans la défense du royaume, un appui solide pour des conquêtes futures des Pays-Bas. Il ne faut pas oublier par ailleurs que cette citadelle vise aussi à assurer un contrôle sur cette ville et sur ses habitants. À cette époque, c'est très important. On n'est pas vraiment sûr de la fidélité des Lillois dans le royaume de France. D'ailleurs, avant de visiter la citadelle, il faut que je vous raconte ce qu'elle fait dans ce paysage, si je puis dire. Et ça suppose que nous remontions quelques années en arrière jusqu'au mariage de Louis XIV. Alors, nous descendons beaucoup plus vers le sud du royaume. Nous sommes le 9 juin 1660, lorsqu'on unit le jeune roi Louis XIV avec sa cousine, l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse. Union bénie lors d'une cérémonie dans l'église Saint-Jean-Baptiste, donc sur la côte basque à Saint-Jean-de-Luz. Pour ce grand jour, la large nef de l'édifice a été ornée d'un décor absolument somptueux et celle qui désormais est la nouvelle reine de France est magnifiquement parée. Voyez cette couronne de diamants incroyable qu'elle a sur la tête. Elle est toute émue, la jeune reine. L'assistance aussi est émue d'ailleurs. Ce mariage n'est pas seulement l'établissement longtemps attendu de Louis XIV, c'est aussi un événement politique majeur. Il vient sceller la paix retrouvée entre la France et l'Espagne après un quart de siècle de guerre. On paraît enfin disposé de part et d'autre des Pyrénées à faire taire la rivalité entre Bourbon et Habsbourg. Oh, je vous rassure, ça ne va pas durer très longtemps. Alors, on peut se poser la question. Et si derrière les belles intentions, ce mariage visait en fait à préparer une nouvelle guerre? Oui, si l'on creuse un peu la question, il apparaît que cette union de Louis XIV et de Marie-Thérèse est au cœur d'une stratégie mise en place par le cardinal Mazarin, maître de la politique française. Mazarin a exigé une dot colossale, dont on sait très bien que l'Espagne ne sera jamais capable de la payer. Autant nous dire qu'on a tendu un piège aux Habsbourg. Louis XIV va pouvoir bientôt plaider l'invalidité de l'annonciation de sa femme à ses héritages espagnols. Elle est la fille issue d'un premier mariage de Philippe IV. Et dans les années qui suivent, les juristes français vont pouvoir fourbir leurs arguments en coulisses. À la première occasion, on pourra les produire, ces arguments. Une occasion qui ne va pas tarder. Dès 1665, le roi d'Espagne meurt. Philippe IV meurt à Madrid. Il laisse 3 enfants légitimes. Donc, Marie-Thérèse, évidemment, et puis d'un second lit, Marguerite, et un fils de 3 ans, un fils complètement malingre, assez difforme d'ailleurs, qui devient le nouveau roi d'Espagne, c'est Charles II. Un enfant que toute l'Espagne estime incapable de survivre bien longtemps. Les Français n'ont pas du tout, de toute façon, l'intention d'attendre cette échéance pour avoir des exigences. Pour eux, Marie-Thérèse a d'ores et déjà droit à une partie de l'héritage de son père. Je cite Jean Béranger. On publia en 1666 le traité des rois de la reine, des droits, pardon, de la reine, qui développait la thèse des droits de Marie-Thérèse sur les Pays-Bas, en vertu de la coutume de Brabant, qui attribuait aux enfants du premier lit l'ensemble du patrimoine. C'était le droit de dévolution. Voilà, prononcez le mot. L'argumentation était spécieuse, nous dit Béranger, car cette coutume ne s'appliquait pas à l'ensemble des Pays-Bas et ne s'appliquait pas au droit public. Car vous aurez bien compris que dans cette affaire, ce n'est pas un héritage privé dont il est question, c'est bien un héritage public. Très vite, les auteurs qui sont favorables aux Habsbourg vont publier toutes sortes de contre-argumentaires. La régente d'Espagne, la reine-mère Marie-Anne d'Autriche, hausse les épaules. Il n'est pas question que Louis XIV capte ne serait-ce qu'une partie de l'héritage de son défunt mari. La tension monte tellement que Louis XIV considère qu'il dispose désormais d'un casus belli, c'est-à-dire d'une bonne raison pour faire la guerre. Il attend quand même pour l'utiliser qu'une guerre anglo-hollandaise dans laquelle la France est impliquée s'achève. Et puis quand tout ça est fini, au printemps 1667, il mobilise ses troupes contre l'Espagne. La paix, vous aurez bien compris que cette paix signée donc en 1660 n'aura même pas tenu 8 ans. De manière naturelle, les Pays-Bas espagnols vont être le principal théâtre d'opération de ce nouveau conflit. Ce conflit qu'on appelle, vous l'aurez compris maintenant pourquoi, la guerre de dévolution. À la veille des combats, les grandes places de la région se savent en danger. Les troupes françaises menées par Louis XIV et les maréchaux de Turenne et d'Aumont sont nombreuses, sont redoutables. Autant vous dire que Lille a de quoi être effrayée. Je cite Louis Trénard, « Le magistrat ordonne dès le 2 mai la réorganisation de la milice bourgeoise de Lille, la consolidation des remparts, l'approvisionnement en poudre, salpêtre, balles, bombes, grenades, mousquets et piques, recommande aux prêtres d'admonester ceux qui pencheraient au manquement de courage et résolution de se défendre. Les ruraux de la Châtelainie éprouvent une grande terreur et affluent avec leurs meubles dans la ville. » Ville fortifiée par les Espagnols et à l'intérieur des murs de laquelle on croit pouvoir venir se réfugier. Donc, les Lillois s'activent. Quand je dis les Lillois, tout le monde, hein, du simple commerçant au religieux en habit, chacun le sait, un siège en règle est à craindre. Et d'autant plus que dès le début de la belle saison 1667, les Français se mettent à remporter victoire sur victoire. Cascade de succès pour Louis XIV et pour ses maréchaux qui vont triompher devant Douai, devant Tournai et Audenarde. Ils auraient tort, ces Français, de triompher trop vite. Espagnols et Flamands manquent de forces militaires à leur opposer, c'est vrai. Mais ils ont d'autres arguments à faire valoir et notamment, ils vont pouvoir libérer les retenues d'eau. Les inondations qui en résultent gênent évidemment l'avancée française. C'est Louis XIV lui-même, dans ses fameux mémoires, qui nous le dit. Je cite le roi. « Pour faire cesser la joie que les Espagnols faisaient éclater sur cette affaire, je résolus aussitôt d'attaquer une de leurs meilleures places et je me décidai par mon propre sentiment à choisir Lille. Les ennemis qui connaissaient de quelle importance elle était et combien tombante entre mes mains elle affermissait mes autres conquêtes, assemblèrent tout ce qu'ils avaient de troupes pour y jeter des secours. Il y avait même des gens en mon camp à qui la grandeur de la ville, le peuple dont elle était remplie, la force de la garnison et l'étendue des lignes qu'il fallait garder faisaient concevoir quelques doutes du succès. » Vous aurez bien compris que le doute, d'une façon générale, n'était pas le fort de Louis XIV. La marche des mousquetaires à l'instant sur Europe 1, composée par le bibliothécaire et copiste de Louis XIV, Philidor. Restez avec nous cet après-midi. Franck Ferrand est en direct de la citadelle de Lille pour vous raconter la conquête de Lille par Louis XIV jusqu'à 15h. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et jusqu'à 15h, Franck Ferrand est en direct de la citadelle de Lille. Nous sommes au mois d'août 1667, au début du règne personnel de Louis XIV. Donc, la guerre de dévolution vient de commencer, on vient de le vivre avec vous. Franck, les Français progressent vite dans les Pays-Bas espagnols. Voilà maintenant qu'ils menacent directement la place importante de Lille. Alors, bon, j'ai bien compris que Lille appartient à l'époque au roi d'Espagne, mais est-ce que les Lillois, à l'époque, eux, se sentaient espagnols, Franck ? Alors, je ne sais pas si on peut vraiment poser la question en termes de nationalité. À l'époque, c'est plutôt des questions de suggestion, vous savez. Les Lillois, bien que disposant d'une certaine autonomie, et notamment, ils ont pas mal de privilèges, notamment fiscaux, sont sujets du roi d'Espagne. Alors, comment cela se fait-il ? Eh bien, en fait, Lille a appartenu à la fin du Moyen-Âge à la maison de Bourgogne, branche cadette des Capétiens. Et puis, quand cette branche s'est éteinte, au XVe siècle, Lille est tombée dans l'escarcelle des Habsbourg, Habsbourg qui sont notamment montés sur le trône d'Espagne. Voilà donc les Lillois liés au pouvoir de Madrid. Ils ont un attachement tout particulier à leur passé bourguignon, bien entendu. Ils sont marqués par la culture de la contre-réforme catholique. C'est absolument essentiel, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. C'est le cas d'une façon générale dans toutes les cours Habsbourg, ça, bien entendu. Espagnols et Flamands manquent de forces militaires à opposer aux Français, je vous l'ai dit, seulement ils disposent de cette capacité d'inondation et c'est là que Louis XIV réagit, vous l'aurez compris. La menace française se précise. Le 25 juillet, nous dit Louis Trénard, les confrères de Saint-Jacques invitent les Espagnols à assister à la messe à Saint-Sauveur en l'honneur du patron de l'Espagne et exposent dans le chœur le portrait de Charles II. Les Lillois hissent au clocher de Saint-Étienne un étendard avec la croix de Bourgogne pour montrer qu'ils ont encore des cœurs espagnols et bourguignons et non pas français. Voilà qui est clair, que je sache. Bref, les habitants de la ville n'ont pas l'intention de se laisser faire. Après tout, leur place a de quoi impressionner avec sa belle garnison, avec ses 27 bastions. Et pourtant, la situation se dégrade vite. Dans la première moitié du mois d'août, les Lillois ne peuvent pas empêcher la mise en place du siège autour de leur ville. Les troupes françaises s'approchent. Certains quartiers, en dehors de l'enceinte, sont ravagés par les flammes. Quant à Vauban, il installe ses retranchements, ses fortins, avec ce savoir-faire absolument inégalable qui est le sien. Et l'étau se resserre autour de l'île. Les défenseurs tentent bien quelques sorties sans résultat probant. Les jours passent au rythme des coups de canon, le bruit assourdissant, terrifiant, désespérant, le gouverneur espagnol de l'île, le fameux Spinola, semble perdre confiance. Je dis le fameux, on le voit sur la reddition de Breda, sur les lances de Velázquez, le fameux Spinola. La nuit du 23 août, il tente de presser l'arrivée de renfort par un signal lumineux au sommet de l'église Saint-Étienne. La réalité, c'est que les Espagnols sont incapables d'envoyer des troupes suffisantes avant des semaines. Aucune solution, sinon essayer de tenir tant bien que mal, parce qu'il faut l'admettre, en face, la furia francese laisse très peu de place au doute. Ça va durer des journées, ce siège. Le jeune Louis XIV se montre plein de fougue. Il s'expose d'ailleurs lui-même beaucoup. Jean-Christian Petit-Fils le souligne. Un page de la grande écurie était tombé juste derrière lui. Un soldat, le prenant rudement par le bras, lui avait crié « Ôtez-vous, est-ce là votre place ?» Excédé, Turenne avait menacé le roi de quitter l'armée s'il continuait de venir dans la tranchée sur un grand cheval blanc avec plumes et blancs comme pour se faire remarquer. Voilà ce que dit Turenne. Bientôt, les Français remportent des succès décisifs et dans la nuit du 26 août, le futur maréchal de Montesquieu et ses frères d'armes mousquetaires vont menacer directement l'une des entrées. On est dans la partie orientale de la cité. Cette fois, c'est clair, l'île est sur le point d'être investie. Dans quel état les Français vont-ils mettre la ville ? Il est grand temps de négocier, bien entendu. Le 27 août, des émissaires sont envoyés vers Louis XIV. On parlemente dans une simple bâtisse de la campagne alentour. Et puis, la nuit suivante, l'île capitule. À vrai dire, le roi va se montrer assez magnanime. L'île conservera ses privilèges. Et par ailleurs, ses habitants, qui sont farouchement catholiques, obtiennent que l'édit de Nantes, qui autorise le culte protestant sous certaines réserves, n'ait pas cours dans leur ville. En tout cas, le résultat est là. Les Français sont maintenant maîtres de l'île. Le 28 août au matin, monsieur le gouverneur, le marquis de Richebourg, nous dit Trénard, et toute la garnison sortirent de la ville avec armes et bagages, tambours battants, balles en bouche, mèches allumées et drapeaux déployés, et passèrent devant le roi. Vers 15h, le roi fit son entrée annoncée par les sonneries et assista au Tédéum en la collégiale Saint-Pierre. Après avoir baisé les reliques de la Sainte-Croix, il prêta l'ancien serment des comtes de Flandre. Ah, cette fois, les choses sont sérieuses. Alors, il y a des autorités de la ville qui viennent s'incliner devant le roi, bien sûr, mais il ne faut pas pour autant préjuger de la conquête des Lillois. Le climat reste très lourd entre nouveaux occupants français, si je puis dire, et habitants. D'abord, les Lillois se méfient de ces étrangers qui sont vus comme trop coulants vis-à-vis du protestantisme. Et puis, certains habitants jugent Louis XIV nettement trop léger sur le chapitre de la religion. Faut vous dire qu'à l'époque, il a commencé à tromper allègrement la reine Marie-Thérèse. Sur un registre nettement plus grave, les Lillois subissent déjà une grave épidémie en cette année 1667. Alors, difficile de supporter aussi, les saisies de ressources pour soutenir l'effort de guerre français. Et d'une manière générale, cette présence française, cette présence militaire est mal vécue, mal supportée. Les mois qui suivent la conquête sont pesants à Lille. Les craintes d'émeutes sont réelles. On appelle ça des émotions. À l'époque, et il paraît clair que nombre de Lillois n'espèrent qu'une chose, que les négociations diplomatiques les replacent dans le giron espagnol à la fin de cette maudite guerre. Ah ben, ils vont être déçus parce que la guerre est conclue très vite après l'invasion de la Franche-Comté espagnole, on est début 1668. Or, l'accord trouvé au moment du traité d'Aix-la-Chapelle, le 2 mai, ça ne s'invente pas, cet accord peut se résumer ainsi. Louis XIV rend la Franche-Comté pour un temps, mais il garde 12 places conquises dans les Pays-Bas espagnols avec leurs dépendances. Et ai-je besoin de vous dire que parmi ces 12 places figure le morceau de roi, figure l'île. Dès lors, les Français sont en face d'un énorme défi et ça va être l'une des préoccupations de Louis XIV en cette fin des années 1660. Comment faire pour intégrer les Lillois? Comment faire pour rattacher véritablement Lille à la France? Cet après-midi sur Europe 1, c'est en direct de la citadelle de Lille que Franck Ferrand vous raconte la conquête de Lille par Louis XIV en 1667. Vous pouvez, comme chaque jour, sur Europe 1, réagir et participer à cette émission. N'hésitez pas à poser vos questions à Franck Ferrand et ses invités. Ça se passe sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est la page Au cœur de l'histoire, sur Twitter, hashtag ACDH et sur Europe1.fr. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de France, au cœur de l'histoire de la ville de Lille, puisque vous nous racontez la conquête de Lille par Louis XIV. Franck, alors on vient de le vivre, Louis XIV et son armée maintenant sont à Lille, mais c'est pas de gaieté de cœur que les Lillois, eux, sont maintenant français. Non, je vous le confirme, les rixes, les échauffourées se multiplient. C'est difficile, il y a beaucoup de frictions qui pourraient dégénérer. Il n'empêche que la ville est prise en main par le royaume de France, et très vite, Louis XIV va lancer la construction de cette impressionnante citadelle au cœur de laquelle nous nous trouvons cet après-midi. Pour tout vous dire, les plans de Vauban avaient été proposés dès l'automne 1667. Autrement dit, on avait prémédité la chose, si je puis dire. Bien sûr que tout ça était prêt. Alors, ça n'empêche pas les pamphlets, etc., contre le roi de France, et ça va d'ailleurs durer pendant au moins une génération. Mais, évidemment, les choses, la francisation, si je puis dire, progresse, la situation s'infléchit. Il faut vous dire que Vauban joue un rôle extraordinaire dans cette affaire, parce que d'un côté, il va encourager une politique de conservation des privilèges lillois, et en parallèle il veille à la transformation de la ville, et cette ville, elle se dote d'une enceinte agrandie, d'un quartier neuf, et puis de cette citadelle qui la surveille d'une certaine manière en même temps qu'elle est censée à l'avenir ou pour l'avenir la protéger. Autre facteur important, Louis XIV va se rendre dans la ville à 6 reprises, la reine Marie-Thérèse aussi vient plusieurs fois, bref, une présence qui est l'occasion de festivités, de ce qu'on appelle à l'époque des joyeuses entrées, etc., et qui contribue à tisser des liens, bien entendu. La séduction des Lillois passe par une propagande active, et finalement, l'attachement de plus en plus de membres de la communauté lilloise à la France devient perceptible dans les circonstances très pénibles de la fin du règne. Rappelez-vous, hein, ces dernières années sombres d'un règne de Louis XIV où la guerre, la famine, les difficultés s'abattent. Eh bien, à Lille, on soutient le roi, je cite Louis Trénard, cette capitale des conquêtes de sa majesté, c'est ainsi qu'on l'appelait, et c'est ainsi que les historiographes avaient choisi de la rebaptiser, connaît durant la guerre de succession d'Espagne, c'est-à-dire après 1700, de graves difficultés, crise de subsistance, misère, long siège de 74 jours en 1708, avec ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, cette citadelle obligée de se rendre, occupation hollandaise. La joie n'en est que plus profonde lorsque les Lillois apprennent en 1713 que Lille reste à la France. Cette liesse est, nous dit-il, le meilleur témoin de l'intégration de Lille au royaume. Alors, cette intégration de Lille au royaume, elle n'a pas été si facile, Florence Raymond. Vous êtes attachée de conservation au Palais des Beaux-Arts de Lille, en charge des conservations du 18e, notamment des plans-reliefs dont on va parler tout à l'heure, bien entendu. Les Lillois ne voulaient pas de l'occupation, enfin de l'intégration au royaume de France dans un premier temps. Oui, et c'est vrai qu'on hésite sur les mots employés, rattachement... Ah, vous avez vu, moi-même, j'ai buté sur les mots. Incorporation, annexion. Oui. Très récemment, dans le cadre des commémorations que la ville honore, la directrice des archives municipales de la ville nous relatait une anecdote, mais qui dit encore qu'elle a reçu un courrier très récemment dans le cadre de ces commémorations, un courrier un peu rageur qui indiquait de la part d'un Lillois qui ne souhaitait pas participer aux commémorations. Ah oui. Toute récente et contemporaine, parce qu'il s'agissait encore d'une annexion dans son esprit. Du racuire, si je puis dire, quand même, non ? Donc une forme de résistance absolue qui est de l'ordre de l'individualisme et de tout à fait concret, mais qui montre bien cette hésitation sur les mots employés et le rattachement d'une ville, un royaume de France. Alors, au cœur des années 68. Pendant toutes ces années, toute la première moitié du règne de Louis XIV, à chaque fois qu'on conquiert une place, on confie au Sieur de Vauban le soin, évidemment, de la défendre, de la protéger. Et ça va aller beaucoup plus loin dans le cas de Lille. Ce matin, lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons fait une visite au pas de charge, je dois vous dire, mais une visite passionnante, sous un soleil éclatant, en compagnie du capitaine Guillaume Granier, qui est officier des traditions de la citadelle et qui nous a donné, si je puis dire, livré les clés de cette défense. C'est un chef-d'œuvre que Vauban a voulu faire là. Vous nous avez emmené à l'endroit où on hisse les couleurs tous les matins, au cœur même de la place, au milieu du Pentagone, si je puis dire. Vous nous avez dit, on a planté là un pieu et on a tout dessiné à partir de là. Oui, effectivement. Donc à partir du lendemain de la Noël 1667, Vauban va commencer les travaux de fondation et de soutènement de la citadelle. Il perd pas de temps du tout. Hein. Absolument pas. Lille n'est toujours pas française. Donc les travaux vont commencer. Tout ce qui on est en dehors de Lille là pour l'instant. Hein. Voilà, enfin, juste aux portes en fait. On est aux portes de Lille. L'emplacement n'a pas été choisi au hasard. Et donc ces premiers travaux vont commencer, bien aidés par les soldats qui ont touché une prime de remuage de terre hein, d'ailleurs pour y participer, en plus des 2000 ouvriers qui en moyenne vont s'affairer sur ce chantier titanesque et pourtant rapide. Et pourquoi cette forme en pentagone comme ça, c'est très spectaculaire avec de grandes de grandes façades de bâtiments qui alors il y a d'un côté l'état-major, de l'autre voilà alors l'arsenal. La forme du pentagone est la forme que Vauban va proposer à Louvois, secrétaire d'État à la guerre. C'est un projet qui fait concurrence avec le chef direct de Vauban, l'ingénieur en chef des fortifications, le chevalier de Clerville, qui va se faire en fait coiffer au poteau par son subordonné, puisqu'il va proposer un projet rectangulaire, et Louvois va préférer le projet pentagonal de Vauban, puisque ce dernier ne va laisser aucun angle mort aux défenseurs et va permettre une défense 360 degrés. Et quand on visite cette citadelle de Lille, il y a des visites qui sont organisées. On peut la visiter. On peut la visiter sous certaines conditions. Oui. Sous certaines conditions, mais nos auditeurs se renseigneront. Quand on la visite, on réalise à quel point, et j'ai si souvent eu l'occasion de le dire que ça devient quasiment une marotte, mais à quel point Vauban avait tout imaginé. Il avait pensé à tout, véritablement. Hein. La citadelle devient quasi imprenable, en vérité. La citadelle est sur le papier imprenable. Elle le sera dans les faits d'ailleurs, puisque elle le sera dans les faits lors de sa première épreuve du feu d'ailleurs, puisque de son vivant, aucune des places restaurées ou créées ex nihilo par Vauban n'a été prise. Incroyable. Et en 1708, lors du siège, donc pendant la guerre de succession d'Espagne, la citadelle se rendra, mais ne tombera pas, puisque le système imaginé par Vauban fonctionnera. Qui est un système hydraulique. Exactement. On inonde les alentours de la citadelle. Voilà, l'ensemble des environs de la citadelle peut être inondé en 48 heures sous 55 cm d'eau via des écluses fortifiées qui sont commandées à partir de Douai, ce qui rend absolument impossible tous les travaux de siège de l'époque, c'est-à-dire creuser des tranchées, des galeries de mines, des fortifications. On ne peut pas y déplacer ni les hommes, ni les chevaux, ni les canons. La citadelle est donc de facto inexpugnable par la campagne. Et ce qu'il faut dire, Florence Raymond, c'est que cette citadelle, non seulement elle est puissante, elle est très bien imaginée, elle est tournée autant contre les Lillois dans un premier temps que contre d'éventuels ennemis, mais elle est surtout très belle. On ne sépare pas au grand siècle l'esthétique du pratique. Oui, et c'est vrai que cette image stellaire qui s'inscrit dans le paysage et le long... C'est vrai que c'est comme une étoile. Hein, oui, une étoile qui s'inscrit dans une verdure et dans une ligne fortifiée et qui va se multiplier sur le long de la frontière nord du Royaume de France. Il y a quelque chose aussi de très italien dans cette forme tout à fait septentrionale. Hein, la citadelle, la cittadella, la petite cité. Ville. Ah oui, voilà. La cité idéale avec un tracé pentagonal qui répond à une stratégie militaire hors pair. Avec sa place, son église, ses entrepôts, voilà, tout ça. Qui est radiocentrique et qui offre une organisation imparable, permet également, et c'est là qu'il y a toute une ambivalence et des subtilités, une architecture française, mais qui garde aussi des lignes flamandes, pour offrir un cadre qui va s'inscrire dans un nouveau paysage urbain. 350 ans de la citadelle, c'était donc le 17 juin, la pose de la première pierre, ouais. 17 juin 1668, même si on avait commencé, nous l'avons compris, dès la Noël 1667, 350 ans aussi pour les plans-reliefs. Et oui. Expliquez-nous ce que c'est. Il y a peut-être encore parmi nos auditeurs des gens qui ne savent pas ce que sont les plans-reliefs. Alors les plans-reliefs, qu'est-ce que c'est? C'est une maquette. Une maquette en trois dimensions, souhaitée... Gigantesque maquette. Hein. Souhaitée par Louis XIV et qui seront produites jusqu'à Napoléon III et qui offrait et offre toujours à la vue une vision en trois dimensions, une vision aérienne d'une ville, de ses campagnes environnantes, à une époque où encore aucun individu n'avait fait l'épreuve de l'altitude. Donc c'est proposé à la vue du roi, la ville conquise. Ce que personne à l'époque où il n'y avait ni hélicoptère ni avion, ce que personne ne voyait. Voilà, une projection inédite dans une représentation qui se révèle incroyablement fidèle. C'est un trophée, bien sûr. C'est un outil, un objet d'art de dissuasion et de saisissement, hein, pour reprendre les termes de l'époque, et qui date exactement de la même période. Il y a des anniversaires qui se fêtent. Vous vous doutez bien qu'ici, à Lille, ce 3 siècles et demi, si je puis dire, ne passe pas inaperçu. Nous allons venir dans un instant, nous allons évoquer les différentes célébrations et les fêtes, les festivités qui sont prévues. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de la ville de Lille cet après-midi sur Europe 1. Jusqu'à 15h, Franck Ferrand est en direct de la citadelle de Lille. Et en public. Vous allez l'entendre, le public lillois, qui est venu très nombreux. Et comme toujours, très chaleureux à Lille. Et d'ailleurs, il y a de nombreux membres du public à Lille qui sont en train de tweeter pendant le direct l'émission avec le hashtag ACDH. Alors à vos côtés, Franck Ferrand, pour revenir sur cette histoire de Lille, il y a le général de corps d'armée Thierry Corbet qui commande le corps de réaction rapide France qui est basé à la citadelle de Lille. Florence Raymond, attachée de conservation au Palais des Beaux-Arts de Lille, en charge des collections du XVIIIe siècle du département des plans-reliefs. Et Arnaud Deslandes, qui est directeur de cabinet de Martine Aubry. Oui, et le capitaine Guillaume Granier qui nous a donc aussi rejoint, officier tradition de la citadelle. Arnaud Deslandes, vous êtes donc le directeur de cabinet du maire de Lille. Est-ce que Lille est vraiment française aujourd'hui, 3 siècles et demi après? Absolument française. Radicalement française, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a aucun doute à avoir, et même si on a pu avoir des lettres très rares et très éparses sur la question, a priori je pense que 99,99% des Lillois se sentent français. Et vous êtes fier de Vauban et de votre citadelle? Très fier de Vauban, très fier de la citadelle, qu'on met à l'honneur régulièrement et qu'on a rénové ces dernières années pour pouvoir la révéler encore plus, avec des nouveaux espaces de promenade, de détente, revoir les remparts aussi qui étaient assez peu visibles, notamment avec la contre-garde du roi. Des remparts qui étaient préexistants, qui ont été agrandis par Vauban. Voilà. Oui. Et donc aujourd'hui, on magnifie vraiment ce lieu qui est très cher au cœur de tous les Lillois, qui viennent régulièrement se détendre, qui viennent visiter, bien sûr, le cœur de la citadelle, le quartier Beauclerc. Ce qu'il faut dire, ce qui est étonnant, il faut expliquer ça à tous ceux qui ne connaîtraient pas encore Lille, et on va leur donner envie d'y venir. Toutes ces émissions sont destinées à vous expliquer à quel point Lille est un véritable pôle culturel, touristique, patrimonial. Et en plus, il fait. Vous avouerez qu'à chaque fois que nous venons, il fait très beau. Il fait toujours beau à Lille. Ce qu'il faut dire, c'est que la citadelle, on ne la voit pas depuis la ville. Sa position est très particulière. Alors, elle est au nord de la ville, absolument au nord de Lille, mais elle est devenue plus visible aujourd'hui avec les travaux qu'on a faits, parce qu'on a changé le champ de Mars, retiré ce qui aujourd'hui, c'est vrai, cachait à la vue de chacun la citadelle, notamment la porte royale, qui aujourd'hui est beaucoup plus visible et qui permet, je pense, pour les Lillois de mieux se réapproprier ce site. Alors de l'autre côté, donnant autrefois sur la campagne, encore un peu aujourd'hui, c'est la porte Dauphine. La porte royale est très belle, très pimpante. La porte Dauphine l'est nettement moins. Il y a beaucoup de travaux à faire encore. Hein. Nous continuons. C'est un projet de longue haleine que Martine Aubry a lancé maintenant il y a 4-5 ans. Et qui s'étale encore sur quelques années, qui demande beaucoup d'argent, évidemment, et on y va étape par étape. Mais c'est vraiment un travail à 360 degrés. On reprend toute la citadelle, c'est la première fois dans l'histoire que la commune de Lille va à ce point vers sa citadelle pour la magnifier, l'améliorer, la sublimer. Parce que je vous dis, la citadelle. Elle fait partie de notre histoire complète, c'est notre poumon vert de toute façon. Les gens adorent venir ici, se déplacer en famille, avec les enfants, sur les jeux qui sont disponibles, etc. C'est pas qu'un usage militaire aujourd'hui, c'est vraiment devenu un usage très vivant, un patrimoine vivant pour les Lillois. Tout à l'heure avec le général Corbet, nous reviendrons sur les célébrations qui sont liées directement au 350e anniversaire de cette citadelle et donc du rattachement de Lille à la France. Est-ce qu'on peut dire que d'autres manifestations sont prévues à Lille? Il y a beaucoup de manifestations. Pour un événement aussi majeur, on a vu les choses en grand. Oui. Martine Aubry et nos partenaires, notamment l'armée, voilà, on a fait un programme d'une quarantaine d'événements qui ont commencé déjà au mois d'avril et qui vont s'étendre jusqu'aux journées du patrimoine mi-septembre. Mmh. Et comme toujours à Lille, on veut à la fois allier des moments de réflexion autour d'universitaires, d'experts, d'historiens, d'architectes, puisqu'on a parlé beaucoup aussi des fortifications, et avoir des moments plus festifs, plus populaires, pour que les Lillois puissent profiter de l'événement. Donc il y a des expositions qui sont en cours, et je signale celle qui est faite par les archives municipales, où on peut voir les documents originels de l'acte de capitulation de 1667, et c'est vraiment quelque chose à voir. On a parlé des plans reliefs, je n'y reviendrai pas. Il y a aussi des visites guidées à Lille pour voir ce qu'on ne voit pas forcément, c'est-à-dire tout ce que le grand siècle nous a laissé comme héritage dans l'architecture lilloise, il faut profiter. Et puis après, il y a des bals versaillais qui vont être lancés, des concerts de l'Orchestre National de Lille qui auront lieu pendant les Journées du Patrimoine autour de ce grand événement. Et je ne parle pas du défilé des fanfares militaires qui aura lieu en juin. Une course en plein cœur de la citadelle qui passera vraiment au milieu du quartier Boufflers, là où sont situées les armées. Et ça, c'est vraiment une grande première. Il faut remercier l'armée de l'avoir autorisé. Et puis pour le clin d'œil, parce qu'on est quand même dans le Nord, il y a même une bière du 350e anniversaire qui a été brassée localement dans une petite brasserie qui se trouve derrière la mairie. Et donc j'invite chacun à en profiter. Mais vous avez bien fait de le rappeler. Dans un instant, nous allons revenir sur ce que Lille doit à ce royaume de France. Il n'y a pas que la citadelle quand même, il y a tout le reste. Ça a occupé une grande partie du règne de Louis XIV et quelques-uns de ceux de ses successeurs. Nous y venons dans un instant, toujours en public et en direct, depuis cette citadelle de Lille. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, en direct de la citadelle de Lille jusqu'à 15h. Vous êtes entouré de nombreux invités aujourd'hui. Le général de corps d'armée Thierry Corbet commande le corps de réaction rapide France qui est basé à la citadelle. Florence Raymond, attachée de conservation au Palais des Beaux-Arts. Arnaud Deslandes, directeur de cabinet de Martine Aubry. Et le capitaine Guilhem Granier qui est officier tradition de la citadelle, Franck. Oui, et on pourrait même ajouter, mais il est assis en face de moi dans le public, il aurait pu faire cette émission à ma place largement. Monsieur Ponce, qui était architecte en chef des monuments historiques, qui connaît cette maison comme personne, puisque on peut dire qu'il l'a littéralement, j'allais dire sauvé, en tout cas en grande partie restauré, capitaine. Oui, effectivement, une des dernières grandes phases de restauration a eu lieu au milieu des années 50, entre 55 et 59. Mais monsieur Poncelet a entièrement restauré l'arsenal au début des années 70. Arsenal qui est le bâtiment le plus majestueux de la citadelle et qui avait été entièrement ravagé par un incendie accidentel en 1919. Donc il est resté plus d'un demi-siècle à l'état de ruine. Eh oui. Alors cette citadelle, nous allons devoir la quitter, nous en arracher pour parler un peu de Lille d'une façon plus générale. Mais si l'on devait retenir ce qui a motivé son existence, vous l'avez fait tout à l'heure quand je suis arrivé, vous m'avez expliqué ça en quelques mots. Je vous ai dit, c'est exactement ce qu'il faut que vous disiez tout à l'heure à nos auditeurs. Alors je vous en prie, expliquez-nous l'idée directrice de Vauban. Alors l'idée directrice va puiser ses fondements dans trois arguments majeurs de la construction de la citadelle. Le premier, c'est effectivement dans l'acte de capitulation dont vous avez déjà fait mention, les magistrats de la ville de Lille et le roi Louis XIV se sont accordés pour dire que la ville n'aurait pas à loger elle-même la nouvelle garnison française. Et ça, c'est important, ça veut dire que c'est la première caserne en tant que telle qu'on va bâtir là. Hein. De toute l'histoire de France, nous sommes déjà dans la première caserne, 25 ans avant celle des Mousquetaires à Paris. Exactement. Donc déjà, la citadelle est déjà unique en ce point. Le second argument qui a conduit à sa construction, vous en avez beaucoup parlé, c'est que les Lillois sont espagnols depuis un siècle et demi, bourguignons voire flamands depuis bien plus longtemps, et donc farouchement anti-français. De ce fait, il faut établir à Lille une puissante garnison pour contrôler une ville potentiellement remuante, voire même éventuellement la mater. Donc on va construire cette citadelle, non pas dans la ville, mais à ses abords immédiats. Et enfin, la dernière des raisons, c'est que le secrétaire d'État à la guerre, Louvois, et Louis XIV ont déjà en tête un projet bien mûri, celui du pré-carré français, qui va devoir matérialiser la frontière du nord-est du royaume, qui ne dispose pas de défense naturelle. Or, l'île se trouve être à un point stratégique, puisqu'elle est au centre de la première ligne des fortifications. Il faut donc qu'elle devienne une place militaire de première importance. Et ce pré-carré français, il va littéralement peser, si je puis dire, sur toute la fin du règne de Louis XIV. Et bien un grand nombre des successeurs de Louis XIV reprendront cette idée, bien entendu, et la creuseront. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant 1668 et un après 1668 à Lille, Florence Raymond ? Oui, et les années qui suivent vont permettre en effet une transformation de la ville. C'est-à-dire comment on passe d'une ville définitivement, faussement définitivement espagnole à quelque chose de plus français. À quelques encablures de la citadelle, il y a ce nouveau Lille que l'on appelle aujourd'hui le vieux Lille qui se construit. C'est un tiers de la surface de la ville en plus qui est alors construit. C'est l'un des plus grands chantiers urbains de la fin du XVIIe siècle et qui va offrir un nouveau quartier avec des parcelles assez confortables, une végétation présente, une régularité dans les façades, une architecture qui se francise. Donc un changement quand même qui se voit, si qui je puis dire. Hein. Ouais. Qui s'inscrit, et par ailleurs, dans la ville aussi, il y a des mini-citadelles qui se construisent, et notamment la grande garde du roi sur la grande place, la grande place de Lille, qui permet aussi à l'armée, aux soldats, d'être présents au cœur même de la ville. Donc il y a toute une articulation, une organisation qui dit aussi de notre organisation actuelle. L'armée à l'époque, c'est aussi les pompiers, les sapeurs-pompiers, s'ils portent aujourd'hui ce nom, c'est qu'il y a une origine dans la sape qui était alors pratiquée pour creuser les galeries des sièges. C'est la protection civile, c'est la future police municipale. Donc c'est aussi une manière d'acclimater une ville à un nouveau rattachement. Et je disais tout à l'heure qu'à la fin du règne de Louis XIV, le rattachement, il est entré dans les consciences. C'est-à-dire que les gens se sentent, eux qui ont si longtemps voulu défendre leur particularité bourguignonne et espagnole, se sentent essentiellement français. Oui, et le siège de 1708 le montre formidablement. C'est-à-dire quand il y a coalition anglais, hollandais, autrichien contre les armées françaises, il y a une résistance. On peut parler de résistance, d'un siège très long qui montre quelque chose, oui, d'un... Alors c'est toujours difficile d'aller vers la psychologie des peuples, mais un je ne sais quoi qui, en effet, alors exprime une familiarité, un rattachement profond. Mais en Flandre, sans vouloir me montrer caricatural, on est industrieux, on est vertueux. Il y a un argument qui compte peut-être plus que les arguments militaires ou policiers, c'est l'argument fiscal. Or, l'argument fiscal, le roi de France a su en jouer également. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, en bon stratège, le pouvoir français s'inscrit petit à petit dans la ville. La fiscalité qui était assez avantageuse sous la domination espagnole est gardée progressivement et modifiée. Mais c'est vrai qu'il y a une acclimatation qui se fait de manière subtile. À la fois la ville se pare aussi d'une architecture plus française et la fiscalité montre aussi des avantages que les Lillois sauront apprécier. On a célébré dans le passé ce rattachement de Lille à la France, Arnaud Deslandes. Oui. Il y a eu des anniversaires comme ça avant ce 350e anniversaire. Il y a eu 300 ans du rattachement qui ont été fêtés déjà à l'époque. Je pense qu'à date régulière, tous les 50 ans, voire même peut-être sur des nombres plus ronds, tous les 10 ans, nous célébrons cette. Et je précise bien que tout ça n'est pas téléguidé depuis Paris, hein, quand même, non hein? Absolument pas. Non. Et pour reparler des plans en relief, il a fallu se battre pour les avoir à Lille et pour que les plans en relief de Lille et des villes alentours. C'était le grand combat de Pierre Mauroy. Ça a été un des grands combats de Pierre Mauroy au début des années 80 pour arriver à faire revenir ici les plans en relief et que les Lillois puissent avoir le plan en relief de leur ville dans leur musée au Palais des Beaux-Arts. Vous aurez bien compris que quand vous venez à Lille, il faut aller à la Vieille Bourse, il faut aller au Musée des Beaux-Arts, qui est un des plus beaux de France, il faut aller partout. Mais il y a deux incontournables que sont cette citadelle, préparez votre Absolument. Visite, car vous aurez compris que la visite n'est pas... nous sommes ici au cœur même d'un grand état-major militaire, donc on ne peut évidemment pas accueillir le public sans précaution. Mais je précise qu'on fait plus de visites en ce moment dans le cadre des commémoration que habituellement. Habituellement, donc il faut en profiter. Voilà, faut profiter. Et puis, bien sûr, allez voir ces fameux plans reliefs. Allez-y avec les enfants parce que généralement, les maquettes, ils adorent ça. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Depuis 14h, vous êtes en direct de la citadelle de Lille. Franck, nous avons donc très envie de visiter Lille et surtout d'aller sur les pas de Louis XIV avec Lorena Martin. Eh bien, écoutez le triomphe de Lorena Martin devant le public lillois. Écoutez ça. Quel accueil. Les gens savent bien qui fait cette émission en vérité. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Bon, vous nous avez suivis jusqu'à Lille. Je vous ai suivi. Pour nous montrer, ou devancer même devrais-je dire, pour nous montrer un certain nombre de beaux vestiges du grand siècle dans cette cité. Comment ? Il faut d'emblée le préciser, Louis XIV n'a pas séjourné à Lille même, mais à deux pas. Il aurait certainement logé d'abord à Loos, donc où un camp royal avait été établi, puis au moment du siège, au prieuré de Fives, l'un des quartiers périphériques lillois, et Louis XIV avait établi son quartier général dans une ferme vaguement fortifiée, où l'acte de reddition sera plus tard signé. Ces lieux n'existent malheureusement plus, mais un tableau du peintre officiel de Louis XIV, Van der Meulen, en atteste. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver de très Louis XIV dans Lille aujourd'hui? Très Louis XIV, bien sûr, le quartier royal qui commence à être bâti à son époque, mm-hmm. avec ses magnifiques hôtels particuliers qui font tout le charme de Lille aujourd'hui, parmi bâtis par les nobles et les notables de nos jours. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est de rappeler que ce quartier est appelé le Vieux Lille, alors que c'était le Nouveau Lille de l'époque. Bien sûr, oui, c'est le paradoxe. Et avec Louis XIV, donc, c'est tout le style classique français qui est introduit, bien sûr la citadelle, mais aussi à partir de 1670, donc ce tout nouveau quartier avec une voirie très régulière, des rangs de maisons presque identiques qui allient le goût français de l'époque aux traditions bien sûr locales, superposées à la tradition flamande. Oui, une belle harmonie. Et puis des jardins partout. Des jardins, très notamment, vert. Bien mais sûr. On ne les voit pas depuis les rues, la plupart non, du temps. Exactement, ils sont un petit peu cachés. Et puis, bien sûr, les jardins autour de cette citadelle et le long du canal de la Deule. Alors, il y a un ingénieur dont il faut dire absolument le nom. On ne l'a pas cité, tiens, en parlant tout à l'heure de la citadelle, mais il faut le faire, nous allons nous rattraper. C'est Simon Vollant. Simon Vollant, à qui l'on doit donc la porte de Paris. Notamment, c'est un arc de triomphe élevé en l'honneur de Louis XIV, qui venait de conquérir la ville pour la rattraper. Attaché à la France. Il a été érigé la porte de Paris a été érigée entre 1685 et 1692, avec à droite dans une niche Hercule avec sa massue, un symbole de la force, et à gauche Mars, le dieu de la guerre. Et puis le Grand Théâtre. Le Grand Théâtre, puisque vous venez de parler de la Grande Garde du roi qui permettait à l'armée française d'être présente au cœur de la ville. Et donc ce bâtiment se situait face à la vieille bourse et l'architecture est vraiment classique et c'est aujourd'hui devenu ce Grand Théâtre du Nord, cette scène national, qui dans son architecture a conservé la même façade et la structure. Comment est-ce qu'on peut visiter tout ça? Il y a des circuits? Alors il y a des circuits, il y a notamment un circuit en bus sur les pas de Louis XIV, de Fives à Lille, sur ses pas et de toute son influence sur les transformations urbaines. C'est à partir du samedi 9 juin par le groupe Histoire et Patrimoine. Il y aura 4 dates, 9, 17, 24 et 30 juin. C'est au départ du palais Riour et donc le circuit rejoindra même la ferme Louis XIV, le calvaire vers du dieu de Marc et jusqu'à, bien sûr, la citadelle. Il faut s'inscrire auprès de l'Office du tourisme. Et puis des visites guidées de Lille au XVIIe siècle. Alors ça, c'est les vendredis 13 juillet, 27 juillet, 10 août. Et c'est à 14h. Rendez-vous Place aux Oignons. Place aux Oignons. Et c'est proposé par le service Ville d'Art et d'Histoire. Quand une Marseillaise nous fait visiter Lille, je trouve ça tout simplement magnifique. Mon général, des festivités prévues dans l'enceinte même de la citadelle à l'occasion du 350e anniversaire. Absolument. À l'occasion donc du 350e anniversaire de la pose de la première pierre, nous organisons un festival international de musique militaire. Nous invitons 8 musiques, 3 musiques françaises et 5 musiques alliées, à se produire avec plus de 300 musiciens le 25 mai, le vendredi 25 mai à 19h. Nous attendons 1900 personnes et c'est l'occasion à travers la musique qui rassemble de montrer notre attachement à la ville de Lille. La citadelle, on en a beaucoup parlé, appartient au patrimoine militaire de l'armée de terre, mais appartient également au patrimoine culturel et historique de Lille et du Grand Nord. Donc il était temps de la réveiller, la belle endormie. On pourrait imaginer son rattachement à la série des sites classés, les sites de Vauban, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors il y a un dossier en cours, d'ailleurs, qui est conduit par la mairie, pour inscrire la citadelle au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous y sommes bien sûr en tant qu'occupants des lieux, et nous sommes associés à ce site. Et nous espérons bien d'ici l'inscription qui pourrait avoir lieu en 2021-2022, continuer à embellir cette citadelle, car même si elle est magnifique, même si c'est un écrin de beauté et de sérénité, il y a encore quelques belles réalisations à faire. Ah oui, oui, on peut encore améliorer les choses et la rendre dans sa splendeur native. Merci infiniment, mon général, de votre accueil. Nous avons été très bien reçus ici, à la Citadelle de Lille, à l'occasion de ce 350e anniversaire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et c'est un retour aux origines plein de poésie aujourd'hui, parce qu'on va parler de Charles d'Orléans. Voici les vers dont j'aimerais connaître l'origine aujourd'hui, Franck. De balader, j'ai beau loisir, je suis privé d'autres plaisirs. C'est un peu notre cas à nous. Exactement. Mais c'est Charles d'Orléans auquel nous avions, vous savez, raconté l'histoire, hein, Charles d'Orléans, auquel nous avions consacré une émission, fils de Louis d'Orléans et de Valentine Visconti, qui va participer à la bataille d'Azincourt, va être au cours du désastre fait prisonnier, vous savez, il est captif et on va le détenir très longtemps en Angleterre et il va essayer de tromper son long ennui en rimant et en rimant brillamment. Il va avoir le temps de s'ennuyer puisqu'il ne sera libéré qu'en 1440 après 25 ans de captivité. Il écrivait en regardant vers le pays de France, un jour m'advint à Douvres sur la mer qu'il me souvint de la douce plaisance que je saoulais au dit pays trouvé, s'y commençait de cœur à soupirer, combien certes que grand bien me faisait de voir France que mon cœur aimait doit.